Le président C. de Bonfons présente alors à Grandet le moyen d'échapper au déshonneur de la famille en liquidant les affaires de son frère cadet et se charge d'aller à Paris pour cette liquidation. Grandet accepte. En quelques instants, la nouvelle de la magnanime résolution de Grandet se répandit dans trois maisons à la fois. Il ne fut plus question dans toute la ville que de ses dévouements fraternels. Chacun pardonnait à Grandet sa vente faite au mépris de la foi jurée entre les propriétaires, en admirant son honneur, en vantant une générosité dont on ne le croyait pas capable. Il est dans le caractère français de s'enthousiasmer, de se colérer, de se passionner pour les météores du moment, pour les bâtons flottants de l'actualité. De son côté, Grandet, ayant appris que l'or avait doublé de prix, s'empresse d'aller vendre le sien. « Nanon, tu diras à ma femme que je suis allé à la campagne. Je serai revenu pour dîner. » « Mon père s'en va, » dit Eugénie, qui du haut de l'escalier avait tout entendu. En ce moment, Eugénie entendit dans son cœur, avant de l'écouter par l'oreille, une plainte qui perça les cloisons. Un second gémissement la fit arriver sur le palier de la chambre. La porte était entrouverte. Elle la poussa. Charles dormait, la tête penchée en dehors du vieux fauteuil. Sa main avait laissé tomber la plume et touché presque à terre. Ses yeux tombèrent sur deux lettres ouvertes. Ces mots qui en commençaient une, « Ma chère Annette », lui causèrent un éblouissement. Son cœur palpita. Ses pieds se clouèrent sur le carreau. « Sa chère Annette, il aime, il est aimé. Plus d'espoir. Que lui dit-il ? » Ses idées lui traversèrent la tête et le cœur. Elle lisait ses mots partout, même sur les carreaux, entrés de flammes. « Déjà, renoncer à lui ?»« Non, je ne lirai pas cette lettre. Je dois m'en aller. » « Si je la lisais cependant ?»« Chère Annette, un démon lui criait ces deux mots aux oreilles. « Je sais que je fais mal peut-être, mais je lirai la lettre, » dit-elle. Pour la première fois de sa vie, le bien et le mal étaient en présence dans son cœur. Jusque-là, elle n'avait eu à rougir d'aucune action. La passion, la curiosité l'emportèrent.